3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Les amis, c'est fini! Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Et oui, ça y est, c'est terminé. Le second tour des playoffs NBA est fini en conférence Est, conférence Ouest aussi. On connaît le Final Four, le dernier carré, et malheureusement, il n'y aura pas les Knicks. Ah là là là, bon. Très très dur d'enregistrer cette vidéo, on le fait dans des conditions un peu particulières. Seb est avec nous, encore une fois, merci de t'être rendu disponible sur ton lieu de villégiature. Et ouais, les Knicks nous font vibrer, nous font vivre de grandes émotions, mais on passe des fois de la joie à la tristesse, à la déception, à tout plein de choses. Comment ça va en ce lundi? Comment ça va, toi? Comment ça va? On est un peu en mode thérapie là, thérapie de groupe. On va profiter de cette émission pour se livrer. Comment vas-tu? Ah bah forcément déçu, hein. Déçu de la tournure qu'ont pris les choses, quoi. C'est-à-dire que tu finis par deux blowouts sans vraiment avoir le sentiment de pouvoir lutter à armes égales avec ton opposant. Et tu sors chez toi sur un match 7 avec en plus le calice jusqu'à la lit, la blessure de Jalen Brunson. Bon, là, tu sais. Que... Ah là là. On va reparler voilà. de tout ça. Heureusement, tes Rangers, eux, vont continuer de jouer. Et les Rangers sont vibrer. En finale de conférence contre les Florida Panthers. Et ça va pas voilà. être facile. Ça va pas être facile, rien n'est facile à ce haut niveau de compétition. Le Garden va encore vibrer, mais ça sera plus pour du ballon panier. Allez, c'est non. pas grave, nous on a encore beaucoup de choses à se dire. Épisode un peu exceptionnel, on va surtout regarder cette fin de série. Et puis on regarde tout de suite bah voilà, ce qui s'est passé sur cette fin de semaine, sur cette semaine dernière. Il y avait 3 matchs, on sait ce qui s'est passé, mais on va en parler ensemble. Allez, c'est parti, on regarde la petite rétrospective de cette fin de second tour pour les New York Knicks. Et oui, c'était difficile d'avoir le cœur à la fête. Et pourtant, la Knicks Nation France avait organisé une dernière KNF Viewing Party. Là pour sûr, il n'y en aura pas d'autres cette saison puisque le parcours se termine pour les Knickerbockers. Mais voilà, on a pu annoncer en dernière minute une KNF Viewing Party pour un match 7. C'est la première de l'histoire de l'association. On remercie bien évidemment tous les Knicks fans qui ont pu se rendre présents hier soir au Hideout. Un grand merci à vous. C'est vous aussi qui nous faites vivre et nous donner l'essence nécessaire pour animer cette association. Sans vous, il n'y aurait pas d'association. Sans événement, il n'y aurait pas d'association. Donc un grand merci à vous. Vous avez été nombreux toute cette saison à nous rejoindre sur nos différents événements. J'avoue que je n'ai pas compté le nombre de viewing parties, mais il y en a eu un bon petit paquet. Et puis forcément, avec ces playoffs qui se sont prolongés, on a été poussé le plaisir jusqu'au bout. Malheureusement, pas de happy end pour cette soirée, c'est bien dommage, mais ça n'empêche que, voilà, c'est les événements qu'on aime, c'est les événements qu'on aime faire, et qu'on aura encore envie de vous proposer la saison prochaine, parce que oui, les Knicks, c'est pas terminé, Knicks Nation France, c'est pas terminé, et il y aura encore de nombreux événements à vous proposer, vous les Knicks fans. Cette émission, c'est aussi pour eux, c'est aussi pour... pour les fans des Knicks à travers la France qui nous suivent et qui viennent au viewing et compagnie. Donc c'est vrai que voilà. Voilà, on les salue, on vous salue tous. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre présent sur ce dernier événement pour raison personnelle. Mais bien sûr, voilà, le cœur était avec vous et on vous embrasse tous chaleureusement. Et on a hâte de pouvoir vous retrouver dès que possible. À voir s'il y a un petit événement qui peut s'organiser sur la fin de saison. Bien sûr, ça sera plus en mode viewing party. Mais restez à l'affût, en tout cas sur nos réseaux sociaux, parce qu'il va y avoir encore pas mal de choses à voir, à dire, à se raconter. La saison est terminée, les playoffs sont terminés, la post-season, enfin l'intersaison va démarrer. Et vous le savez, la passion de nous, elle ne s'arrête pas, même après un match 7. Donc on est encore là pour en parler. Et voilà, on vous remercie en tout cas une dernière fois, vraiment du fond du cœur. Vous êtes aussi une super fanbase et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc j'espère qu'on vous retrouvera vite pour nos prochains événements. voilà, un gros big up, de l'amour qu'on envoie tout plein, tout plein. Donc voilà, les cœurs, les pouces, tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas tout seul. Je ne vais pas citer tout le monde parce que sinon... Ah, c'est tant compliqué. Vous n'êtes pas tout seul. Oui. Rapprochez-vous de d'autres Knicks fans. Ensemble. On est ensemble. Et parlez. Parlez de ce qui ne va pas, évacuez tout ça, tous vos sentiments. Et on va être là aussi pour vous accompagner au travers des réseaux sociaux, en tout cas. Bon, les Knicks, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait all-in jusqu'au bout. Ils ont tenté des retours de blessures. Voilà, il y avait forcément beaucoup de spéculations, de rumeurs. Vous l'avez en vu et suivi sur la fin de semaine dernière. On a vu Spike Lee, on a vu tout un tas de beau monde au Madison Square Garden. Les légendes étaient présentes. Elles étaient même présentes pour la viewing party qui a eu lieu pour le match 6. Oui. Voilà, cette franchise et cette saison étaient vraiment exceptionnelles, particulières. On sentait vraiment une cohésion entre le public new-yorkais, la fanbase, et puis voilà, les gens qui ont fait, les joueurs qui ont fait, les légendes qui ont fait cette franchise. Il n'y a peut-être pas beaucoup de titres, mais ça reste tout de même une franchise à part en NBA, et on l'a encore vu cette saison, et peut-être même plus que d'habitude. Donc voilà, c'est vraiment une saison particulière qu'on a vécue, et ça aussi, bah, il fallait le dire, tout simplement. Je sais pas ce que t'en penses, Seb, sur cette saison. Ah oui, même c'est... si on connaît c'est... La finalité, elle est vraiment à part, cette saison. Quoi. Bah, cette saison, elle est à part parce qu'on a eu des coups du sort tout au long de ces 5 mois de compète qui ont fait que y a une équipe qui a émergé de tout ça. Je dis pas qu'elle n'avait pas une avant, mais il y a une vraie cohésion qui s'est formée avec à la tête un coach qui a drivé tout ça malgré toutes les blessures, les coups du sort qu'on a eu et changement en cours de saison aussi. Il s'est passé beaucoup de choses et, en fait. On a du mal à se rendre compte. Et au final, on a une saison de 2024 qui est énorme en fait dans ce qui s'est passé. Alors oui, on va pas en finale de conf. Oui, encore une fois, il y a la malédiction des Pacers en demi. mais il y a une équipe à New York qui est née. Voilà, une équipe qui naît. Et une fanbase qui est solidaire derrière. Donc on espère vivre encore de belles choses dans l'avenir. L'avenir, on aura le temps de se projeter. Là, malheureusement, on va devoir revenir sur ces 3 derniers matchs de play-off. Il y a une petite victoire dans tout ça. La 7e, finalement, cette victoire. 4 sur le premier tour et donc 3 sur le deuxième. Les Knicks étaient mal en point en début de semaine après une viewing party qu'on avait vécue, un match 4 qui s'était terminé dans un mauvais scénario, hein, un blowout bien, bien dégueulasse. Hein, les Knicks menaient du début jusqu'à la fin. Et un écart, et c'était le premier blowout de la série hein, sur le match 4. Jusqu'à présent, on était plutôt sur des rencontres très accrochées. Il y avait bien sûr des regrets de ne pas avoir réussi à remporter une victoire dans le match 3. Contre-coup du match 3, ouais, je pense. Clairement, où les Knicks n'étaient pas passés si loin que ça, et c'est bien dommage, parce qu'à 3-0, bien sûr, on aurait eu une toute autre série. Malheureusement, on ne peut pas réécrire l'histoire. Et le match 4 avait été une sévère fessée, hein, on va appeler ça comme ça. On attendait une réaction des Knicks. Allait-il s'écrouler au Garden et les Pacers prendre un avantage et se mettre en bonne position pour se qualifier? J'étais eh ben non, pas on a eu. J'ai douté. J'étais pas confiant la semaine dernière. La magie du Garden a fait son effet, bien sûr. On avait des craintes sur Jalen Brunson parce qu'on voyait qu'il n'était pas à 100%, qu'il était diminué et en plus très bien défendu. Le plan anti-Brunson marchait plutôt bien jusqu'à alors. Et le match 5, il nous a fait une démonstration ce Jalen Brunson. Et là, on a repris espoir, là, on a repris confiance. Et les Knicks, eux, ont répondu à leur façon, en mode patron, en mode blowout, face aux Pacers. Des Pacers qui n'avaient pas du tout le même visage, n'avaient pas du tout le même air de fanfaron sur ce match 5. Et là, du coup, on a repris espoir parce que les Knicks avaient 2 balles de match. Un effectif toujours diminué, bien sûr. Il n'y avait pas de retour de blessure sur ce match 5. Les Knicks ont joué avec les mêmes forces et les mêmes soldats, hein, parce qu'on peut parler de soldats, de guerriers. Le terme, le vocabulaire de combattant est plutôt approprié quand on pense à cette équipe. Mais voilà, les Knicks ont été plus forts et un Jalen Brunson qui a semblé inarrêtable sur ce match et qui nous sort encore une perf à plus de 40 points. On avait repris l'espoir sur ce match 5. Je charte aussi. Hartenstein et ses Ses 12 rebonds. rebonds offensifs. Ouais, et 17 au total ou 18, je sais plus, mais c'est phénoménal, Je... quoi. Bon, Il y avait une bah, énergie, une envie sur ce match 5. la clé, c'était les rebonds. La clé, c'était. On en avait parlé, à la preview de cette série que le contrôle du rebond allait être primordial. Bon, on pensait pas que rapidement on allait perdre Ginobili sur cette série et Mitchell Robinson qui allait pas revenir. Parce que Mitch fait le match 1, il fait la moitié du match 1 et puis il disparaît. Donc ça est malheureusement voilà cette bataille du rebond était primordiale et que quand les équipes la gagnaient, ben, les équipes gagnaient le match. Donc Et on sur l'a ce bien vu match-là, il sur n'y ce a pas match 5. photo. Il n'y a pas Match photo, il y a un 5, net écart sur le rebond il y et sur avait les une envie plans aussi dans la de pas raquette. mourir comme ça en fait. Il y avait une envie de pas mourir comme ça et de pas se dire ah ben vous allez pas venir au Garden nous gifler. Et Jalen En revenu Brunson de l'avait match bien à refaire, dit, mais Jalen Brunson l'avait bien dit en interview d'après-match, après le match 4 et la déculottée, hein, la dérouillée qu'ils ont pris à Indiana, il avait dit. Voilà, les momentum en playoff, c'est différent. On sait que voilà, un match n'a pas forcément d'incidence directe sur le match suivant. Bon, quand on parle des blessures, ça, c'est peut-être pas tout à fait valable. Mais en tout cas, voilà, il attendait, il prévoyait une réaction. Alors que la caméra tombe pour ça. Voilà. Attendez, il attendait une réaction différente. Et bien sûr, l'énergie du Garden, elle a tout de suite fait son effet. Les Knicks se sont très bien vite, rapidement mis dans la bonne voie. Et puis Brunson a aussi rentré ses shoots. Même si chaque début de quart, il était un peu en échec. Mais il arrivait derrière assez vite à porter et à mettre les Knicks sur la bonne voie. Est-ce que tu as vu la petite polémique par rapport à ces chaussures? Tu l'as vu passer ou Non, pas? j'ai loupé Et ça, voyons tout ce qui peut passer. il y a un mec sur Twitter qui s'est amusé à regarder les chaussures qu'il portait notamment au Game 4 et par rapport en fait au match 5, je crois que c'est ça. Et que il y avait une nette différence quand il portait ces chaussures-là. Et d'ailleurs, sur la deuxième moitié du match 5, je crois qu'il change de chaussures à la mi-temps et qu'il porte plus Ah, les mêmes. impossible. Alors là, je suis passé au travers de cette observation. Après, on sait, l'ami Brunson, il joue plutôt en Kobe. On sait aussi qu'il était touché au pied, qu'il était gêné au pied. Hein, lors du match 2, il y avait justement ce passage où il est sorti du terrain. On ne savait pas s'il allait revenir. Et OG Anunoby portait l'équipe à ce moment-là. Et quand il est revenu, il y a eu un petit effet Willis Reed Game. Mais clairement, on savait qu'il était gêné au pied. Je n'ai pas fait gaffe, effectivement, aux chaussures qu'il porte. Il joue plutôt en basse et en Kobe. Est-ce que ça a pu jouer? Bien sûr, quand on est bien dans ses chaussures, tout de suite, on joue mieux au basket. Mais voilà, sur ce match 5, chaussures ou pas chaussures, est-ce que c'est les chaussures? It must be the shoes, comme dirait Spike Lee à Michael dans la fameuse pub. Je pense pas que c'était que les chaussures. Il avait tout simplement l'énergie, l'envie. Bah voilà, il s'est tout de suite mis dans de bonnes conditions. Les défenseurs se sont relayés sur lui, j'ai l'impression, comme les autres matchs. Mais là, Jalen Brunson était habité et était royal. Et nous a livré une très grande prestation sur ce match 5. Et une victoire donc large des Knicks. Sur le score, je ne l'ai plus. Sur le score du. Il est en train de défiler. Vous allez le voir dans quelques instants. 121 à 100. Non, là, j'ai aucune À stat. 91, pardon, autant pour Je ne moi. peux rien dire. Les Pacers tenus aussi à moins de 100 points, c'était aussi une bonne prestation Oui, c'est défensive. vrai. Oui. Alors il y a du blowout et il y a du garbage time sur cette rencontre, mais il faut le noter, les Knicks qui tiennent les Pacers sous 100 points, c'est une prestation aussi défensive qui leur permet de remporter largement ce match. Plus 30, du garbage time, on fait tourner les joueurs. Tout le monde il est content, la série repartait à 3-2 à Indianapolis. Il y avait des motifs d'espoir pour cette fin de série. Malheureusement, parce qu'il va falloir parler de la suite, sur ce match 6, ça s'est pas passé de la même façon. Les Pacers chez eux étaient invaincus, il faut le rappeler aussi. Ils n'ont pas perdu un match de playoff chez eux sur les deux premiers tours. À voir ce qui se passe pour eux en finale de conférence, parce qu'on a un adversaire qui est quand même un petit peu plus redoutable et qui partira favori, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, les Pacers avaient aussi cette certitude, cette garantie d'être forts chez eux, d'avoir leur public, bien sûr, derrière. Est-ce que ça allait être suffisant? Bon, Bah, ça s'est tout de suite pas forcément bien passé pour les Knicks. Hein. Peut-être qu'un premier carton qui est un poil accroché, mais derrière, les Pacers ont réussi à faire la différence. Et il y a eu un fait de jeu assez vite aussi dans cette rencontre, c'est la blessure de Josh Hart. Josh Hart qui a été touché aux abdominaux. Alors, c'est pas un contact, c'est pas... Cette fin de série, est... c'était les matchs de trop. On arrivait, on savait qu'il y a de l'usure, il y a de la fatigue pour toutes les équipes, pour tous les joueurs. Lorsqu'on connaît le temps de jeu conséquent de Josh Hart, et on en a déjà parlé, le pourquoi du comment, Josh Hart joue beaucoup, ou a joué beaucoup, forcément, les métabolismes sont bien rudes épreuves, et la répétition des efforts, l'intensité, et à un moment, ça finit par rappeler le corps finit par rappeler les joueurs à la raison. Et malheureusement, bah Josh Hart s'est vite retrouvé à être un petit peu hors jeu sur cette rencontre, touché aux abdominaux, grimaçant. Et c'est pas un joueur qui est plutôt dans la comédia dell'arte. Hein. C'est pas un joueur qui demande à sortir. C'est pas un joueur non plus qui feint les blessures. S'il était touché, c'est qu'il était vraiment gêné. Il est sorti, on l'a revu, il est rentré, il est ressorti. Bon voilà, c'était. Il pouvait plus, il pouvait pas. Il pouvait plus. Et c'est vrai que sans sa présence, on l'a dit, une série qui s'est jouée aussi au rebond. Et bah sans la présence de Josh Hart qui gobe énormément de rebonds, tout de suite ça allait compliquer les affaires. Et puis on a eu un Haliburton qui était en réussite, on a eu un Siakam qui était en réussite, on a eu un Turner qui était en réussite, un McConnell. Bref, l'effectif des Pacers était dans leur jeu. Et c'est surtout le troisième carton parce qu'à la mi-temps, il y a quoi, 10 points de retard. On peut se dire, c'est encore jouable, surtout qu'on a un Brunson qui n'est pas complètement dedans pour ce match-là non plus. Donc, est-ce qu'il va y avoir son réveil? Est-ce que ça va suffire pour recoller et puis faire un run? On l'espérait. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est déroulé. Le run, il n'y en a pas vraiment eu. Les Pacers ont maîtrisé leur sujet, avaient l'énergie, le public derrière eux. Et puis, ils ont joué libéré. Et ils avaient un effectif avec de la rotation, avec quasiment un effectif complet. On le rappelle, il y a seulement Bénédicte Mathurin qui était absent côté Pacers. Un bon joueur, certes, mais voilà, un joueur en moins. On connaît le nombre d'absents qui manquaient côté New-Yorkais. Et Josh Hart, bah voilà, il n'a pas pu tenir son rang sur ce match-là. Et malheureusement, une défaite inévitable, 103 à 116. Le score n'est pas catastrophique quand on regarde le score final. Mais finalement, les Knicks n'avaient pas les armes sur ce match 6. Peut-être aussi un peu, entre guillemets, résigné ou se dire « Allez, on aura une balle de match à la maison. » Ça doit jouer inconsciemment dans la tête. Et voilà, voilà un match 6 remporté par Indiana. Je ne sais pas quel souvenir tu gardes de cette rencontre. On n'a même pas trop gardé de souvenirs des défaites, bien sûr. On préfère gagner des souvenirs des victoires. Mais ce match à 6 à Indiana, ils ont fait leur boulot. Balle au centre, tout le monde avait gagné chez eux. La série a été poussée au match 7. Ils ne l'ont pas volé, les Pacers. En termes d'arbitrage, on n'avait pas grand-chose à dire. Ça a été pas mal discuté côté Pacers sur le début de la série. Et ça ne nous semblait pas approprié. Mais les plus forts ont tout simplement gagné sur ce match. Chez les Pacers, sur l'arbitrage. L'arbitrage n'a pas été si fou que ça. Enfin... On peut toujours trouver quelques actions litigieuses par-ci par-là, mais oui, rien de. Malheureusement, des deux côtés, je veux dire, que si tu regardes aussi le match d'hier, on va en parler, tu pourras dire aussi, mais c'est pas là-dessus que ça se joue. À un moment donné, ça représente une infime en fait, partie de l'influence. Après, derrière, il y a aussi le jeu d'équipe, il y a les mecs qui sont sur le terrain, il y a ta réussite insolente ou pas au shoot. Enfin, ça, c'est plus important, en fait, hein, que finalement, c'est français clé ou pas. Donc, il n'y a pas eu de... Ce match, il n'y a pas eu matière à dénaturer la série, en tout cas. L'arbitrage n'a pas été... même si, au début, il y a eu polémique côté Pacers, derrière, on n'a pas senti, sur le reste de la série, sur tous les matchs, les cinq matchs qu'on suivi, d'éléments qui auraient pu dire, « Ah, regardez, il y a une équipe qui est favorisée plutôt qu'une autre. » Oui. Voilà. Non. Par contre, les images, ça a été l'image de Josh Hart sur le terrain, en bandage, tout ça. Il y aura eu pas mal de photos, pas iconiques, mais d'images marquantes. D'images marquantes pendant ces playoffs. Dans beaucoup d'aspects, que ce soit au premier ou au deuxième tour, que ce soit le 3 de Dante, le. Il y aura eu beaucoup de. Contre Philadelphie. Il y aura eu pas mal d'images Et à la fin, dunk les de dernières OG images avec. sur Joel Embiid, le 3 Ouais. points de JB avec Kendrick Perkins au premier rang en courtside, tout ça. Il Exactement. y a eu beaucoup Et puis de des belles images. images qui vont rester. Ouais. Et puis des images plus tristes. C'est le Des sport. images plus tristes comme la tête dans les mains de Rick Brunson sur le banc ou la serviette sur la tête de Josh Hart. Il y aura eu pas mal d'images choc pendant tous ces playoffs en fait. Et ce qui montre que ça n'a pas été des playoffs insipides. C'était des playoffs qui nous ont fait vivre beaucoup de sentiments, beaucoup de choses quoi. Qui nous ont fait passer par beaucoup d'émotions et qui font que, bah oui, il y a des petits moments de drame, des petits moments de joie. On préfère bien sûr plus les moments de joie, de communion avec le public. Mais en tout cas, on a vibré, et on a eu aussi nos nerfs mis à rude épreuve. Et encore, voilà, dans ce match, là, on se disait, match 6, bon, on perd pas vraiment sur un blowout, mais les Pacers ont fait le nécessaire, ont dominé leur sujet. Les Knicks n'ont pas trouvé les éléments, n'avaient pas l'adresse, n'avaient pas Josh Hart, bon, tout ça, une rotation courte. Ils ont joué sur leur force, ils ont appuyé là où ça fait mal. Siakam a été plutôt bon parce qu'il n'y avait pas forcément matière à défendre sur lui non plus. Haliburton, forcément, avait trouvé quelques espaces. Bon, le petit garçon, il a tendance à faire plus de deux pas des fois sur certains step back. Hein. Bon, on dira rien sur ça. Mais voilà, en tout cas, les Pacers avaient poussé la série jusqu'à un septième match. On pouvait se demander alors si les Knicks, avec la magie du Garden, pouvaient faire ce que beaucoup d'équipes avant eux ont fait, à savoir s'imposer et profiter de l'avantage du terrain en playoff. Malheureusement, il y a eu un coup de poker. Il y a eu le coup de poker pour, comment il s'appelle, OG Anunoby. On ne savait pas quand son retour allait se faire. Il y avait des rumeurs, les rumeurs se sont amplifiées. Josh Hart, on avait plutôt des signaux qui étaient rassurants à la fin du match 6. Jalen Brunson, entre autres, disait, ou Dante, de toute façon, c'est un match 7, on ne va pas le louper, il va être guerrier, il va être là. Et effectivement, il a tenu son rang, il a Warfeshen été là. disait il faudrait qu'il perde une jambe pour pas être là. Voilà, pour ne pas jouer. Les joueurs sont tellement habités, savent vraiment ce que ça peut représenter un match 7. C'est finalement la saison qui est mise sur la table. C'est le moment de tout donner et de ne pas avoir de regrets. Donc essayer en tout cas de tenir son rang, sa place. Josh Hart a pu le faire sur cette rencontre. OG Anunoby, ça a été 5 minutes. 5 minutes, 5 points. Bon rendement, on aurait préféré avoir 48 minutes, 48 points, bien sûr. Mais malheureusement, ça a été voilà, un petit peu un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'a pas pu tenir sa place. Il n'a pas pu avoir ne serait-ce Ça a que sa été présence défensive qu'on aurait aimé un coup retrouver. d'épée dans l'eau, mais ça montre aussi un peu l'état d'esprit du bonhomme. C'est-à-dire que. Il y a quelques doutes le Non, mais. concernant, effectivement, sur son Oui, non, mais côté il y a quelques. Non, mais. injury-prone et Non, mais dur au bien sûr. mal. Non, mais ça, c'est. Non, mais ça, c'est une chose. Injury prone, On c'est n'est une chose. pas Oui, il dans se sa blesse. Le position non type. plus. Le type n'a jamais fait une saison à 70 matchs. Jamais. Au mieux, je crois qu'il a fait 64 ou 65, un truc comme ça. Il n'a jamais fait une saison à plus ou à 70 matchs de sa carrière en NBA. Donc oui, il se blesse souvent et ça dure. Cependant, hier, il a souhaité être avec l'équipe pour ce match 7. Alors, le service médical, visiblement, Tom Thibodeau, à chaque fois, disait oui, C'est pas moi qui il est en décide. phase de. Il est... C'est Ouais, il disait, c'est le pas moi staff qui médical décide. Et qui clear un joueur ou pas. À chaque fois, il disait, ça revient tout doucement. Pour l'instant, il fait des choses. Bon, on a bien vu qu'en effet, il était clairement pas prêt et que sa réhabilitation n'était pas pour tout de suite. Cependant, il a voulu être là. Il a voulu jouer. Il a peut-être fait 5 minutes. Après, d'ailleurs, on a bien vu qu'il n'arrivait pas à courir. Cependant, le gars, il s'est pas caché. Il s'est pas dit, ben Ouais. non, non, non, je suis blessé. Foutez-moi la paix. Il a dit non, je veux venir, je veux être sur le terrain On avec ces mecs-là. peut le saluer et le remercier pour ça. Il a fait Ça l'effort, n'a pas marché, malheureusement. ça n'a pas duré, mais il a fait l'effort. Il a fait l'effort de vouloir être présent et de vouloir assister au match. Peut-être que lui s'était dit, ça va peut-être tenir, peut-être que scraper, ou peut-être que avec la, au fur et à mesure, Les quand je vais muscles m'échauffer, ça va aller chauds, mieux. ouais. Finalement, c'était pas, ça a pas marché. On l'a bien vu sur les premiers appuis. Il trottinait à peine. Il pouvait limite pas poser la jambe. Mais en tout cas, on ne peut que saluer le L'effort, bonhomme. On ne peut que l'initiative, bien sûr. saluer. Alors après, Ouais. certains diront, oui, n'oublions pas qu'il y a une situation contractuelle où le monsieur doit Oh. prolonger son contrat. Est-ce que ça a joué dans les têtes? À voir, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il a essayé. Il n'a pas pu. C'est dommage parce que les Knicks, forcément, cette série de playoffs aurait été sûrement tout autre avec OG Anunoby présent. Ça a été On le a tournant. beaucoup parlé des rotations, mais voilà. Au-delà des rotations, on avait une équipe qui jouait aussi de façon assez petite en termes de taille. On n'a pas de grands joueurs dans cette équipe. Et avec l'arrivée d'OG Anunoby, on trouvait justement cette polyvalence et avec un joueur assez athlétique, assez grand. Et ça a forcément manqué. On l'a vu de nombreuses occasions. Pascal Siakam postait Josh Hart. Josh Hart aussi Ah oui. intense, aussi énergique soit-il, il n'a pas les éléments physiques pour pouvoir tenir sur un La joueur match est longiligne. défavorable. Donc voilà, on a forcément payé cette blessure à un moment donné dans la série. Il a essayé de revenir, c'est dommage. Ça aurait pu être un coup de poker qui aurait pu être payant. Malheureusement, ça n'a pas été un coup de poker qui a duré suffisamment longtemps pour pouvoir porter ses Tu effets. sais Ça, que c'est dommage, mais on hier, note l'effort en tout cas de ne pas s'être caché en disant non, désolé, je peux pas jouer, quoi. hier, j'ai Il a essayé. participé sur X à un space après match, voilà, où on a un peu parlé de tout. Et justement, en fait, on parlait de la confrontation qu'il y avait eu avant trade entre notamment New York et Toronto. Donc les Toronto de OG et Siakam. À l'époque. Et Et ben les New York Julius faisait Knicks du de il Quickley et RJ. Ouais. et Julius il faisait du carton. Julius il faisait du carton et pourtant je pense qu'il devait y avoir du Siakam et du OG qui ont dû s'alterner sur lui parce que j'ai pas le souvenir des matchs de saison régulière. Il y en a 82, hein, on n'a pas le souvenir des 82. Cependant il y a eu du carton et c'est là que tu te dis que un Julius s'il avait été là Ah là là, à faire la il fête. manque beaucoup de joueurs, et il y a beaucoup de joueurs majeurs, ça bien sûr. Ça fait débat, on va en parler rapidement après, mais en tout cas, voilà, sur ce match 7, il y a eu tentative, il y a eu all-in. D'ailleurs, il était intéressant de voir le slogan qui était repris sur les serviettes distribuées au Madison Square Garden, pardon. C'était différentes citations de joueurs, de coach, et là, c'était une citation de Jalen Brunson qui disait « All of us, on aura besoin de tout le monde sur ce match 7 ». Tout le monde, alors tous ceux qui ont pu, le public bien sûr a répondu présent, les stars, les anciens, les légendes étaient là, presque toutes. Il y avait certains analystes NBA qu'on aurait peut-être préféré ne pas voir, je pense à un certain Stephen Hay qui était bien sûr encore une fois surexcité au Malheur, à début. chaque fois qu'il vient, on m'a dit ça et on Bon perd. bref, vous comprendrez, c'est pas notre préféré, clairement pas, même avec son côté très caricatural. Mais voilà, en tout cas, les Knicks ont essayé, premier quart-temps plus ou moins accroché. Mais derrière, on a aussi vu un Jalen Brunson, encore une fois, en maladresse, pas en réussite. Sur le match précédent, Ouais. il en était à un moment donné resté à une série de 11 shoots consécutifs loupés. C'était son pire passage en carrière, hein, d'avoir autant d'échecs lors du match 6. On se disait, voilà, au Garden, peut-être que ça va mieux rentrer. On rentre mieux ses shoots quand on joue chez soi. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Il a été chercher des points sur les lignes des lancers francs. Mais on a vu aussi les Pacers disposer d'armes comme Miles Turner, comme Pascal Siakam, toujours présents dans la dissuasion et dans le contre. On avait beau avoir un Miles McBride qui était dans l'intensité, dans la volonté d'aller aussi apporter sa contribution. Malheureusement, ils ont souvent été rejetés, repoussés au cercle. Ça a été compliqué. Il y avait de l'intensité des deux côtés. Les Pacers n'étaient pas venus du tout la fleur au fusil. Il y a eu une très belle réussite à 3 points de Tyrese Haliburton. Ça fait très mal parce que les 3 points se sont De enchaînés. tous, Mais mais de tous. lui en a mis pas mal. Hein. On a mis pas Ils ont mal tous au shooté début. comme des All-Stars. TJ McConnell, je l'avais désigné comme mon facteur X côté Oh, série il nous a fait Pacers. mal. Il Il nous a nous a encore fait fait très mal. très mal durant Voilà, toute la série. Oh le là jour où ce là. garçon devient agent libre, il serait peut-être bon ton d'aller le chercher pour arrêter de nous martyriser en sortie de banc. Voilà, c'est un petit joueur qui paye pas de mine, mais qui est plutôt tédieux qu'à l'esprit. Il le dit, j'étais un chien. Voilà, c'est le genre de Ah joueur non, qui mais, non, collerait mais à cette mentalité moi, new-yorkaise. chaque fois que je le voyais rentrer sur le terrain, j'étais en mode. Parce qu'il n'a pas peur, il joue son jeu, peut-être certes avec pas des armes de All-Star ou de joueurs majeurs de cette ligue, mais pour autant c'est un joueur de devoir et qui sait apporter sa contribution. Ça a été compliqué de Un défendre mec tous qui connaît ces son Pacers. rôle. Ce sont ces types-là qui font carrière à l'NBA. Le type, il sait ses forces, il sait ses faiblesses. Et si tu as un coach en fait qui va maximiser là-dessus, tu fais carrière. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Tout à fait. Et ce match, bah voilà, ce match était déjà suffisamment mal embarqué. Il y avait ces histoires de 20 points de retard. On essaye de Ouais, après recoller c'était au début du fini, troisième pff, trop quart-temps. dur. On essaye de recoller au début du troisième quart-temps. Il y a un run plutôt intéressant d'Enix qui se remettent Ouais. à quelques longueurs. On repasse sous la barre des 10. On se dit, et si c'était Soudé à ça? 6 points. À 6 points. Ouais. Donc voilà, l'énergie du Garden a fait aussi Donc tellement d'énergie. ce qu'il fallait. Mais il y a eu des erreurs. Des remises en jeu où les ballons sont perdus et ça score direct. Des erreurs qu'on a payées très très cher, McBride a pas malheureusement. ça a pas été son meilleur match. Ça n'a pas Il été est son meilleur compliqué match, d'avoir Mike. cette Il perd deux lucidité ballons quand hyper importants. on paye ses erreurs. Là, c'est là aussi qu'on voit que bah, ces joueurs, certes, apportent beaucoup de choses, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie sur le terrain. Mais malheureusement, voilà, il y a aussi des fois l'expérience. L'expérience de ces grands moments. C'était pour certains les premiers matchs 7. Ça s'invente pas. Bah oui. On est sur deux tours de playoff avec de l'énergie, avec une saison aussi qui a été éprouvante pour beaucoup. Voilà, on a du mal à en vouloir à ces joueurs. On va pas désigner un joueur comme Non. responsable de la Oh victoire qu'il non. n'aurait pas assurée, clairement pas, loin En de tout cas, là. ça sera pas. Non, Nous. ça sera pas ici. Hein. Non. Mais il y a eu cette annonce à un moment en courant de match. Voilà, Jalen Brunson ne reviendra pas. Il s'est fracturé la main. Alors au ralenti, c'était difficile de voir l'action en question, Est-ce qu'il n'avait mais pas déjà une faiblesse? Enfin, Ah, moi, ça m'étonne parce que. il est strappé des mains depuis un moment. Il a pris un coup en voulant intercepter sur Tyrese Haliburton. Les doigts, des fois, ça te plie pas dans le bon sens. Je suis bien Ouais, et puis placé tu pour le sais, il s'était déjà savoir fait mal avec aussi, hein, rappelle-toi. une Donc, fracture. comme tu dis, hein, au game 2, là, quand il se tient là comme ça, il s'était déjà fait mal, c'est la même main. Hein, donc. Ah, il prend des coups, hein. C'est un joueur qui va souvent aussi au contact pour provoquer des passages en force. Donc il a beau être petit et costaud. Non, ça a été Ça a ça a été été la la goutte petite d'eau de goutte trop. d'eau qui a fait Et exploser la piscine. on l'a senti, le Garden s'est éteint, parce que bon, tout le monde avait reçu l'information. Ça a jeté un coup de froid énorme. Il y avait déjà peu d'espoir pour essayer de s'en Ouais. sortir dans cette rencontre. Là, c'était le coup de glas. C'était la blessure de trop. Et malheureusement, voilà, ils n'ont pas pu s'en remettre. Les joueurs ont été dignes. Les joueurs ont été dignes. On n'en a pas parlé. Il y a un certain Alec Burks, pardon, qu'on a retrouvé sur la fin de cette série. Alors que j'ai un petit invité surprise, hein, qui débarque sur Oui. l'émission. Ah oui, jour férié. Bah oui. Mais que disais-je? Alec Burks, qu'on n'en a pas évoqué son nom. Il était ressorti du placard par Tom Thibodeau depuis quelques matchs. Et on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Et sur ce match, bah, il a encore apporté ses petits coups de moment, ces moments de show où il a apporté quelques points. Alors, bien sûr, s'il fallait s'en remettre à Alec Burks pour devenir le sauveur d'Enix dans un match au 7, ça aurait été vraiment improbable. Et puis, je ne sais même pas comment aurait fait les Knicks pour après aller lutter face aux Boston Celtics en finale de conférence. Parce que voilà, fracture à Bah, la c'est sûr main, que quand tu regardes compliqué. l'équipe blessée, donc c'est Jalen Brunson en amène, Josh Hart en arrière, OG Anunoby en ailier, Julius Randle en ailier fort, Mitchell Robinson en pivot et Ça va, Bogdan 5. Bogdanovic en sixième homme. Et tu sais que ce 5, il peut sortir les Pacers, ça. En principe, oui. En principe, oui. Donc, non, non, c'est mort. À part, après, derrière, même pour le spectacle, je veux dire, on serait passé, ça aurait été l'aboutissement de la saison de nos Knicks. Ils l'auraient mérité après tout ce qu'ils ont traversé, ça aurait été incroyable. Cependant, tu te serais qualifié, tu te serais fait défoncer. Ah, Tu te serais fait défoncer. on connaît les forces des Celtics qui sont quasi au complet. Il leur manque Kristaps Ouais, Porzingis. Reviendra-t-il, Porzingis. reviendra-t-il pas? Ça à voir. Là-dessus, au côté injury prone, on a aussi un sacré client. Mais Mais voilà, ça c'est dit. Mais non, effectivement, ça aurait fait trop ça de aurait bonhommes. été, Trop de bonhommes c'était blessés. compliqué de lutter face à une équipe qui a roulé sur la conférence Est, qui part en Ouais, grand rouler sur la favori. Enfin, NBA. oui, sur la NBA, n'ayons pas peur des mots. Après, à voir. Tout ça ne garantit pas un succès au bout. On parlera un Ah peu ben, on. des équipes qui restent en course. Il peut y avoir des surprises encore sur ces fins de playoffs. Mais voilà, Mais il on était voit bien le compliqué basket. d'arriver aussi diminué, quoi. On voit bien qu'il y a le basket de saison régulière et le basket de playoff. Basket de saison C'est régulière, deux on perd choses. 2-1, 3-1, 2-1 en saison régulière, on les joue 3 fois, les Pacers. Les Pacers, oui, effectivement, il y avait un déséquilibre. On les joue trois fois et Voilà. on gagne qu'une fois On les contre joue cette trois équipe. fois. Et pourtant, quand on les joue en demi de conf, on les joue avec un effectif ultra réduit et on va en 7. Tu vois, donc il n'y a pas vraiment de logique. Il y a juste qu'à un moment donné, le basket s'intensifie, les coups de sifflet sont aussi Puis la répétition. un peu. La Il y a répétition des cette échanges, chose. des affrontements, La les ajustements répétition. des coachs. Exactement. Ouais. Donc, la vérité de la saison régulière n'est pas vraiment celle pas vraiment celle des playoffs. En playoffs, j'ai presque envie de dire que tu repars un peu à plat, quoi. Sur cette série, il est intéressant de voir un peu, parce qu'on parle souvent du coach, parce qu'il y a des duels de coaching lorsqu'on parle d'affrontements en playoff. Là, Rick Carlisle, un coach qui est plutôt réputé, qui a une très très belle et longue carrière en NBA, donc très respectable, qui connaît le métier, qui sait ce que c'est que les duels en playoff, face à Tom Thibodeau, qui a aussi son métier, qui a aussi son expérience. Carlisle est champion NBA, il me semble, hein, avec les Mavericks de l'époque Nowitzki et compagnie. Donc il a C'est lui su le aller jusqu'au coach. bout avec un effectif qui était plutôt bon aussi, hein, faut pas le cacher. Mais voilà, on peut parler Contre d'ajustement en Miami, playoff sur une de série LeBron. de. Contre les fameux 13 amigos qui sont Not partis, bah one, bref. not two, Bah non. not three. Notre fort. Que disais-je? Mais voilà, Rick Carlisle, et on peut voir les ajustements de coaching. Malheureusement, c'est plutôt Tom Thibodeau qui a été contraint de faire des ajustements parce qu'il lui manquait des joueurs. Il a ressorti Burks, il a mis à un moment donné Miles McBride dans le starting 5, ça a été plutôt payant et on l'a vu sur le match 5. Par contre, au bout d'un moment, voilà, les solutions, on ne peut pas les inventer quand il n'y a plus de joueurs. Et c'est pas avec des joueurs qui Ben sont tout à non. fait respectables en étant des joueurs de G-League que l'on va inventer un joueur. Un joueur ne va pas s'inventer une vie, un rôle et devenir tout de suite le mec qui fait basculer la série. C'est pas comme ça que ça se passe en NBA, ça peut le faire éventuellement sur un bout de match, mais des l'insanity, si on avait à chaque saison, par chaque coach qui invente des joueurs, parce qu'on nous parle souvent de ce terme. Ouais, mais il y a des coachs qui inventent des joueurs. Ouais, d'accord, mais ça veut dire quoi Ben si, ils inventer un les aiment, joueur, tu quoi? vois, ils Ça sont veut dire là, quoi? ils voient les mecs, ils leur posent la main comme ça sur l'épaule, et là, ils disent Toi, tu désormais, tu vas être seras un défenseur super élite, role-player. Et là, ou il y a tu une vas shooter à lumière qui descend du 70%, quoi. ciel, et le gars, en fait, tu vois, il est habité, et voilà. Ou alors comme dans Space Jam, tu passes la gourde secrète et tu transformes les joueurs. Non, non, enfin, Non, soyons honnêtes un petit peu, là on est arrivé sans solution. Le banc et l'effectif étaient deep, profond, il y avait une rotation et Et il y avait une profondeur de banc. Bien sûr, toutes ces blessures ont fait que bah, il n'y avait plus Et cette quand c'est tes possibilité-là remplaçants qui et. sont titulaires? Bah oui, quand c'est tes remplaçants qui sont titulaires, forcément, la profondeur, elle n'est plus là. Hein. Donc. Mais mon Dieu, mon Dieu. Le plus dur, je pense, en fait, après cette élimination, parce que oui, faut digérer, faut se dire, il y a des regrets. On aurait pu aller jusqu'en finale de conférence, et ça fait un moment, ça fait 20 ans. C'était depuis la saison 2000 et une défaite contre les Pacers, justement, au terme d'un match 7. Non, je sais même plus. Enfin, la série avait été assez loin. Mais au terme, voilà, ça fait 24 ans que les Knicks ne se sont pas glissés en finale de conférence. Après, les Pacers, ça faisait un petit moment aussi, il hein, faut le dire. Mais voilà, et donc il y a des regrets, on se dit, et si il y avait eu un peu moins de blessés. Mais pour autant, l'équipe, il n'y a pas à rougir de cette équipe. Et bah, l'autre effet qui se coule de cette élimination, de cette défaite, bah, c'est que tous les haters sont sortis. Oh, On a c'est vu des vertes et des pas mûres. insupportable. Des gens qui se disent, bon Insupportable. allez, bravo les Knicks, vous avez fait une belle saison, mais bon, Tom Thibodeau, il faudra apprendre qu'on met 12 joueurs sur une feuille de match. Oh là là. Le genre de cliché. Oui. Je ne sais pas si les gens qui ont, parce qu'on va pas citer les noms, mais les gens qui ont ce genre de réflexion, c'est quoi? C'est juste envoyer une crotte de nez par plaisir sadique. On aime pisser sur les Knicks parce que c'est la franchise qui s'appelle New York et ah, c'est pas bien d'avoir une équipe dans une grande ville qui n'arrive pas à gagner, donc c'est marrant de se moquer d'eux. Oui, ou alors tu as l'impression On qu'en fait c'est le minimise. coach qui a On mandaté des minimise mecs aussi. à aller les blesser, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'en fait, parce que c'est Tom Thibodeau, ben, par exemple, Julius Randle qui se luxe l'épaule sur un C'est de drive sa qui faute, finit c'est de donc sa sur faute. Raquez, sur Rémy Raquez, ben, en fait, Mais c'est ouais, de sa c'est faute. Thibodeau en fait, qui l'a poussé dans le dos. Que C'est de quand en sa fait faute parce Embiid que il tu fait vois, strike il devrait dans donner les 15 minutes chutes. à Jericho Sims pour pouvoir souffler un peu, se reposer. Mais non, mais en fait, de quoi on parle? On parle déjà d'une équipe qui joue avec peu de marge, déjà. Hein, combien y a-t-il de All-Star dans cette équipe? On ne parle pas d'une équipe type Phoenix Suns qui arrive à afficher un trio à 150 millions de dollars, quoi, et qui, forcément, derrière, doit faire jouer ses joueurs. Petit passage, petite remarque au passage, on a un temps de jeu de Kevin Durant qui est plutôt élevé aussi à Phoenix sur ses playoffs. Certes, il n'y a qu'un tour. Certes, ils se font éliminer assez vite, 4 rencontres. Mais un joueur à 35 ans qui a un passif de blessure qu'il ne faut pas oublier, qui affiche plus de 40 minutes par match, bizarrement, là, personne n'en parle. Alors J'avais bon, partagé c'est très bizarre, c'est très bizarre. quatre captures d'écran sur les meilleurs joueurs des finales de conférence. Donc j'avais mis Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Luka. Jalen Brunson et Anthony Edwards. Et donc j'avais marqué parmi eux, trouver qui est le joueur de ton petit Thibodeau. Et tu as les temps de jeu de chacun, tu vois. Mais bon, c'est plus facile en fait de dire oui, Thibodeau assassin, le temps de jeu de Thibodeau. Ah mais regarde, il fait jouer Ojenobi 35 minutes. 35 minutes, tu te fais d'accord, c'est énorme. Non mais on croit rêver. Il y a des gens En en fait fait, qui croient rêver. y a... c'est ce qu'on appelle tout simplement des procès d'intention. C'est parce que c'est l'Enix, c'est parce que c'est Tom Thibodeau. Parce que Tom Thibodeau, rappelez-vous, Derrick Rose s'est blessé sous Tom Thibodeau. Depuis, en fait, il se tiraine cette étiquette. Mais Voilà. voilà, les joueurs, il est marrant de voir une interview par First Team, je crois, de Lou Holdeng, qui dit: Non, mais nous, quand on est des joueurs, on veut jouer. Nous, le coach qui nous fait jouer, mais on le remercie, bien sûr. On veut aller chercher des contrats, et c'est en jouant qu'on va chercher des contrats, et c'est pas en étant sur le banc qu'on va chercher des contrats. Il y a aussi cette réalité-là. Et les gens Et voilà. ont pas compris. Les gens n'ont pas compris, enfin en tout cas La certains n'ont mentalité pas et compris le... ce que veut La dire Lou recette. Holdeng par on va chercher des contrats. Il l'explique bien avant. Il dit la moyenne d'un joueur NBA est de 5 Quatre ans. saisons, quoi. Quatre, Moi, cinq si saisons, j'ai ouais. fait moi si j'ai fait 15 ans, comme il explique, si j'ai fait 15 ans, c'est parce que j'ai su trouver ma voie et que justement par cette voie-là, j'ai pu aller décrocher des contrats qui Et m'ont fait durer en durer NBA. longtemps en NBA. Et donc, tu as des gens qui disent, ah ben d'accord, le mec, il joue pour le pognon. Alors Il l'a tué, il l'a rincé. Non mais. déjà Et d'une donc du coup, Tom spoiler. Thibodeau l'aurait tué, rincé, mais le mec fait quand même 15 saisons. Derrick Rose, il a réussi à avoir sa carrière. Joakim Noah, on en parle, il a réussi à avoir une carrière avec ses blessures, mais il a réussi à avoir une carrière assez longue. Taj Gibson, des fois on en parle, on fait Taj Gibson, il l'a rincé, mais il a fait une carrière aussi à plus de 10 saisons. Donc c'est à la fois des procès d'intention, c'est de la malhonnêteté tout simplement, de la désinformation. Et malheureusement, on a des influenceurs, parce qu'on va appeler ça comme ça, des influenceurs ou peut-être des journalistes qui font pas le travail comme il faut, qui peuvent partir sur des clichés, Si, ils le savent très qui bien. aiment les titres Ils savent putaclic, très bien. qui aiment les titres Ils savent putaclic, parce que très bien ce forcément, qu'ils ça font. fait vendre, mais c'est Et malhonnête et c'est pourtant, les faux en fait, mecs, tout simplement. et Donc, pourtant, les mecs, ils suivent la NBA. Ils ouais, suivent la NBA. On peut se demander des Ils. fois quand on voit certaines Bah, moi, interventions ou. je pense quand même que les types suivent la. Alors, peut-être parce que nous, on est focus sur une team. Et après, C'est ça. d'ailleurs, épisodiquement, on voit d'autres trucs. Après, ce genre de médias doit suivre plusieurs équipes. Donc, évidemment que ça se disperse. Mais Prenez après, des derrière. stagiaires, hein. Prenez des stagiaires, un par équipe, un par franchise, et puis il y a des gens qui Et font ouais, très mais bien le malheureusement, à travail. la fin, Ouais. en fait, t'en viens à ce que. Ben, mais ces mecs-là, ils savent. Ils suivent les teams. C'est juste que, comme tu dis, c'est de la pique, voilà, mal intentionnée. C'est même pas du trash talking. C'est Non. parce qu'après, derrière, le problème, c'est que tu as beaucoup de gens qui les suivent et qui Et qui prennent prennent ça pour tout, en agent fait, pour argent comptant. comptant, qui prennent Voilà. tout au premier degré. Et qui pour eux, donc désormais, c'est ancré. Tom Thibodeau est un blesseur, est un briseur de carrière. Moi, on m'a dit, ah ben Thibodeau, Un assassin. après avoir détruit les Bulls, il va détruire les Knicks. Non, mais c'est fou, quoi, de dire ça. C'est fou de dire ça. Les gens sont C'est... fous, des fois. Alors, on ne prétend pas avoir la science infuse, bien sûr. Hein, on est Mais tous des non, mais. observateurs, on est des fans, on n'est pas des insiders, on discute pas, on n'a pas joué pour Tom Thibodeau. Mais à un moment donné, il est plus facile de prendre des raccourcis que d'essayer de comprendre la réalité des choses. C'est plus compliqué d'aller regarder un petit peu les stats, les chiffres, voir les rotations, regarder les matchs. Bien sûr, on ne peut pas regarder 82 matchs de toutes les équipes, c'est impossible, on est d'accord. Mais il y a quand même pas mal de a priori, de clichés, des informations. Et puis tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle, parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et ça, forcément, ça nous gonfle, ça nous offusque. On répond parfois sur les réseaux sociaux. Alors voilà, Après, on tu a des t'aperçois pics. qu'il y a des murs. Hein. Il y a des gens qui de toute façon sont obtus et ne changeront pas leur point de vue. Et ça là-dessus, bon bah tant pis pour eux. Nous, Knicks fans, Tu en peux tout cas, je prouver par pense A que. plus B avec des chiffres, avec des trucs, avec des machins. Le Je type, il pense estimera que. que Et Thibodeau, donc forcément, les blessures lui incombent. Quoi qu'il arrive, peu importe la manière dont le joueur se blesse. C'est comme ça, il cherchera pas. Je veux dire, que Batum tombe sur le poignet de Bogda, qui était déjà un peu fragilisé, il lui tombe dessus, ça arrive, il fait le poignet. C'est pas de sa faute, c'est pas un dirty player pour autant, mais c'est la faute. Thibodeau. Voilà, parce que Boyan aurait joué trop, parce qu'on n'aurait pas mis assez de rotation. Et oui, il a joué deux minutes de malheureusement. Plus que... c'est tellement hallucinant. Mais voilà, ça rajoute entre guillemets, il y a de la fierté en fait par rapport à cette équipe. Il y a de la tristesse et de la déception parce qu'on se dit, et si elle avait le cœur pour aller plus loin, pour montrer encore de belles choses, on n'avait pas envie de la laisser partir comme ça. On a eu des playoffs extraordinaires de Jalen Brunson, on a une saison extraordinaire de Jalen Brunson. On aurait aimé voir l'équipe un peu plus au complet, pouvoir se battre un peu plus à armes égales. Bien sûr, il y a des blessés dans toutes les équipes. Je crois que c'est Madame Batum qui nous signalait que aux Sixers, il y avait aussi des blessés. Oh. Oui, effectivement. Il y a des blessés partout, ça fait partie du jeu. Il y a quand même beaucoup de blessés Onyx. Est-ce que le coach en est responsable? Pour nous, la réponse, elle est non. Il n'y a pas un problème Thibodeau. Peut-être que Thibodeau était peut-être plus la solution. Si Thibodeau est responsable, entre guillemets, des blessures et de user ses joueurs, alors il faut aussi lui accorder le crédit de pousser son équipe jusqu'à un match 7 d'un second tour de playoff. On ne peut pas avoir les avantages et les inconvénients, que des inconvénients. Non, il faut être raisonnable, il faut être honnête. Si son équipe performe, si son équipe est finie seconde de la conférence Est, le coach aussi en est responsable, a aussi droit à ses fleurs par rapport à ça. Si le coach finit 4 ou 5e vote des coachs of the year, voilà. Mais malheureusement, on voit tout un tas de merde qui circule sur les réseaux et c'est agaçant et c'est pénible. Et ça vient effectivement pas de la fanbase d'Enix qui, de toute façon, cette année est fière de son équipe. Et ça, c'est vraiment le principal. Alors, faudra repartir au combat, faudra repartir la saison prochaine. Faudra faire avec les trollers, les haters, parce qu'il va y en avoir un paquet qui vont sortir du bois maintenant, avec des déclarations et des raisonnements très limités. Bien sûr, on en a déjà vu tout un tas. Certains ont salué justement la belle prestation d'Enix, et c'est tant mieux. On n'a pas à rougir des playoffs qu'on a menés, au contraire. Mais voilà, attention sur les raccourcis. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir regarder un petit peu ailleurs. C'est les belles déclarations. Moi, c'est plutôt celle-là qui m'intéresse. Par exemple, celle de Gigi Redick hier soir, ou celle après le match 6 de l'ancien GM de. J'ai zappé son nom. Des Warriors. Bob Myers, voilà. Qui pareil, rendait hommage aux Knicks en disant bon, malheureusement, les Knicks ne vont pas plus loin. Limite pas à cause de l'opposition, mais à cause de la santé de leurs joueurs, parce que on voit que ils donnent tout. Donc si on voit qu'en fait des gens du milieu s'aperçoivent de ça, tu vois, c'est ça en fait la reconnaissance. Ce sont ces gens-là en fait qui des gens réfléchis qui soit tiennent des podcasts qui sont intéressants, soit qui ont eu des postes à responsabilité et qui ont été bons. Pas des pauvres mecs qui vont dire que les Knicks sont des impostures ou Michel / 92 qui va dire Thibodeau assassin, quoi, tu vois. Donc, du haut de ses 14 ans dans sa chambre. oups, pardon. Mais bref, non, tout à fait. Il faut arriver à prendre ce qui est bon et pas bon. Bien sûr, il y a des critiques. Bien sûr, il y aura un exercice à faire pour voir. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui a été? Comment améliorer cette équipe? Comment aller plus loin? Moi, Thibodeau, il a fait une excellente saison. Mais pour ma part, j'ai trouvé qu'il était un peu trop souvent dans la réaction plutôt que dans l'action. Il a été dans l'action trop peu de fois. Et, dans l'anticipation, c'est la critique que je peux lui faire. C'est que il a des fois tardé de faire les choses ou des fois, il les a fait parce que le match... Avec un temps de retard, peut-être, ou parce que la situation... L'a forcé à faire des choses. Moi, c'est ça que je peux lui reprocher, c'est que souvent, en fait, il est un peu trop arc-bouté sur ses principes et que quand, en fait, il n'a plus le choix, qu'il est dos au mur ou que le match, en fait, se déroule d'une telle façon, il fait dès lors ces choix-là et des fois, souvent, se sont avérés payants. Mais ça, c'est ma critique et c'est ma critique personnelle le concernant. Mais après, derrière, sur son coaching, sur sa façon de manager les hommes. On sent que c'est quelqu'un de proche de ces gars. On Qui, l'a vu. on sent qu'il y a de l'affection vis-à-vis de Ne ces gars. serait-ce que sur l'interview d'après-match où il y a la défaite, voilà, il reparle des qualités de son équipe et on sent qu'il y a de l'émotion puisqu'on voit au niveau de ses yeux ce côté. Il a les larmes aux yeux en fait par rapport à ce groupe qui était Bien attachant, sûr, qui il a les a tout aimés. donné. Donc il y a vraiment ce côté, cette solidarité, ce côté Exactement. famille en fait. Et Et c'est là que c'est tu pas rien, c'est t'aperçois pas rien. que le sondage qui a concerné 11% des joueurs NBA, et parmi Sondage. ces 11%, 7% disaient que personne ne veut jouer pour Tom Thibodeau. C'est ça, en fait, l'imposture. C'est ça, en fait, la flûte. Mais ça fait partie, tu vois, ça fait partie de ce sondage, par exemple, et comme beaucoup de choses, font Le même partie de... sondage, la même enquête qui dit que Rudy Gobert serait le joueur le plus surcoté de NBA. Bon, donc voilà, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Certains Ça, prennent ça pour et... argent comptant. Tant pis pour eux, je veux Mais dire, voilà, comme tu le si on disais croit la pour moindre bêtise Julius du net. Randle, comme tu le disais pour Julius Randle, Tom Thibodeau, malheureusement, il y a un délit de sale gueule sur lui. Il y a un vrai délit de sale gueule sur lui. Pourtant, c'est un coach qui a des résultats. On parle pas de Chauncey Billups. On Doc parle Rivers. pas de l'ancien coach des Nets qui s'est fait lourder, qui a eu des résultats parce que KD était en mode playoff et après dès qu'il a été tradé, Lequel? et ben là ça a pataugé dans la semoule et il s'est fait lourder. On parle d'un mec qui a eu des résultats avant Finch. La dernière fois que les Minnesota Timberwolves étaient allés en playoff, Bah c'était nul. c'était sous Tom Thibodeau. Voilà, on parle d'un coach quand même qui a des résultats, mais on a tendance à vouloir systématiquement lui chier à la gueule. Désolé des termes. Caricaturer la Et méthode. voilà. Mais c'est sa méthode qui ne plaît pas à la masse. Après nous, je pense, côté Knicks. Et on en parlera dans un prochain épisode. Parce qu'il y aura d'autres épisodes. Hein. Oui. On va reparler de l'avenir, de la suite. Non, là, Je c'était pense que côté Knicks, voilà, en tout cas, Tom un trop Thibodeau. plein à sortir. Oui, il faut un moment évacuer. Et je pense qu'on va avoir beaucoup d'émotions à évacuer. Allez, on va essayer de terminer cette émission tout de même. On va pas se projeter sur un calendrier, parce que malheureusement, vous savez qu'il n'y a pas de calendrier. Mais cette saison, on avait réussi à introduire une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique qui s'appelait tout simplement The Knicks of the Week par KNFTV. Ben voilà, Oui. parce qu'on souhaitait mettre en avant des visages, des noms, des personnes, des joueurs marquants, des événements marquants. Il y en a eu tout un tas. Alors on pourrait citer l'équipe au sens large, parce qu'elle nous a fait vibrer, parce qu'elle a été exceptionnelle, parce qu'elle a été chercher de la ressource là où on ne l'attendait pas. Bien sûr, il y a des leaders, il y Et a un leader. ce Knicks et ce je tiens à dire que ce Nick of the Week est une Oh le. spéciale dédicace à Kevin, il se reconnaîtra. Voilà. Il se reconnaîtra. Oui, spécial dédicace. Je pensais que tu allais te dédouaner en disant, alors celui-là, moi je le cautionne pas. Non, Non, non, non, non, non, non, non. non. On le C'est. cautionne et on va expliquer le raisonnement du Oh pourquoi là, du moi je le comment. dédie, je le dédicace à Kevin. Voilà. Alors, ouais, je le dédicace même à d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas, bref. Que disais-je? Voilà, on va dire merci à tous les joueurs. Tous les joueurs, sans exception, même ceux qui sont partis dans le cadre des trades, parce qu'ils ont apporté leur contribution à cette belle saison, à cette réussite, et sans eux, il n'y aurait pas eu ces trades. Donc voilà, on va pas les citer un par un, vous les connaissez, ces joueurs d'Enix. On a scandé leur nom, on les a sortis sur les feuilles de stats, certains on les a vus lors du Garbage Time, bon, c'est pas grave, mais ils ont été très nombreux cette saison à passer à New York et à apporter leur contribution. Et sur cette dernière semaine, et un petit peu de façon symbolique par rapport à finalement ces Knicks, qui sont pas les plus brillants, qui sont peut-être pas les plus talentueux, qui sont pas forcément ceux qu'on attend, qui sont peut-être des fois des joueurs un peu improbables. Et ben on a décidé de désigner l'ultime KNF Nick of the Week en la personne de Alec Burks. Et oui, aussi surprenant que cela puisse être, c'est pas Jalen Brunson. Jalen Tire Brunson, vous avec. le savez, on le porte dans nos cœurs, c'est lui qui nous a porté. Il était peut-être un petit peu dur avec lui-même en conf, et puis il est sorti sur blessure. Donc c'était difficile pour lui. Bien sûr que Jalen Brunson, c'est notre MVP cette saison. Mais évidemment, Ça, mais il n'y a aucun doute, bien comme tu sûr. le disais, il y a Bien des sûr joueurs à mettre en que lumière. Dante DiVincenzo, il a retrouvé son shoot. Il nous finit le dernier match à 39 points. Ça passe malheureusement un peu inaperçu, parce qu'il y a le scénario du match, il y a cette élimination au match 7. Il a Mais été mine très de bon. rien, ce Alec Burks, il était au placard. Il est arrivé de Détroit. il a pas trop joué, il n'était pas forcément bon, tout simplement, faut dire les termes, faut dire les mots. Il n'a pas été bon avec les Knicks Non, lorsqu'il est non, sorti non. en saison régulière. Du coup, arrivé en playoff, rotation réduite. Et puis au début, il y avait encore quelques joueurs côté Knicks. Hein. La rotation s'est réduite, réduite, réduite, réduite, réduite. Mais il était au banc, sur Il le était banc. très Et tard, faut le dire, il était à un très moment tard. donné, voilà, Thibodeau a fait appel à lui. Il n'a pas eu beaucoup Et disons d'opportunités, mais il que, les a saisies tout de suite. il faisait partie des La vrais joueurs tibia de dorée. basket qui C'est restaient encore sur le banc un peu, tu vois. un C'est peu quand le même un dernier joueur des qui a, Mohicans, quoi. Le c'est Highlander. quand même, ouais, c'est quand même un joueur qui a un passif, voilà, qui a une carrière NBA, donc il y avait Qui a encore ses lui sur le qualités, banc. ses Voilà, défauts. désolé qu'il n'ait pas fait appel plus à Mamadi À Daquan Diakité. Jeffries. Ouais. Ou Jacob Toppin. On l'a pas vu, le pauvre. Il aurait Voilà. pu jouer contre son frangin. Mais voilà, c'est Alec Burks qui est arrivé pour apporter ses points. Pour apporter son scoring. Et il a Pour su apporter un répondre petit peu ce présent. beau landing. Et il a répondu Voilà. présent, ce bougre. Et c'est ça aussi. C'est un peu un symbole de cette équipe. Souvent, les Knicks, les joueurs, le coaching staff, l'organisation a dit next man up, le prochain qui peut se lever pour pouvoir venir apporter son aide, pour pouvoir venir aider les Knicks. Et bien cette fois-ci, ça a été Alec Burks. Il a réussi à apporter ses points, même dans le match 7. À un moment donné, on s'est dit, hey, peut-être que son coup de chaud, il va nous aider à recoller, à se remettre dans le match et pourquoi pas aller chercher cette qualification. Malheureusement, ça a été trop court. Voilà, est-ce Rappelle-toi que le Game Alec 3. Burks. Rappelle-toi le Est-ce... Game 3. Ouais. Ouais, aussi, Lui et aussi. McBride en sortie de banc, c'est eux qui nous font espérer, quoi. Ils sortent, Mais ils là scorent. où on nous dit Tom Thibodeau n'invente pas de joueurs, Tom Thibodeau va pas chercher ses joueurs, n'utilise pas ses joueurs, peut-être qu'il l'a pas utilisé avant, et c'est ce que tu dis, ce côté je suis trop dans la réaction et pas dans l'anticipation, remettre Alec Burks dans le bain un peu plus vite. Qu'est-ce que ça aurait donné? On sait pas, parce qu'il n'était pas non plus convaincant en saison régulière. Il y a beaucoup Non. de joueurs qui voulaient plus le voir jouer, tout simplement. Voilà, il était plutôt croqueur que scoreur, malheureusement. Là, il s'est retrouvé, il a retrouvé des sensations. Son nom a même été scandé au Madison Square Garden. Et c'est ça aussi qui est beau, en fait, dans cette équipe. C'est que, mine de rien, on lâche rien. Les joueurs n'ont rien lâché, tout du long. Et même Alec Burks a réussi à trouver ses petits moments de gloire. Y a pas eu de huée hier après l'élimination. Non, non, non. Il n'y a pas eu L'équipe de et les huée. fans savaient, ils ont tout donné. C'était le fameux All-in, All of Us. Alec Burks est, mine de rien, un peu un symbole de cette saison. Un peu Un joueur l'incarnation, ouais. cherché à Détroit. Et c'est pas le joueur le plus talentueux, c'est pas le joueur le plus brillant. On sait ses qualités, on connaît ses qualités. Bien utilisé, il peut apporter dans des bons soirs. Il a été dans des bons soirs, ça n'a pas été suffisant. Malheureusement, c'est peut-être ça un peu les Knicks. On a eu une belle saison, on a été dans des bons soirs, on a fait de belles choses, on a eu du cœur. On n'a pas les joueurs les plus talentueux. C'est pas l'équipe sur laquelle beaucoup misaient en début de saison. Personne ne plaçait les Knicks, et pas nous non plus, en seconde place de la conférence Est. Et pourtant, ils ont gagné cette place. Et pourtant, malgré tous les événements, toutes les blessures, ils ont su répondre présent. Et pourtant, ils vont pousser jusqu'à un match 7 du second tour. Ça laisse un goût de d'inachevé. On verra. On verra maintenant ce que l'été va nous réserver. Comment le front office va essayer encore une nouvelle fois d'améliorer son roster. Ils l'ont fait cette saison. Oui, il faut S'il s'en y rendre a des compte. choses à améliorer, On prend parce les que mêmes et on repart? après, disons que À les voir. grosses À voir. questions, mais on y reviendra, mais ça des re-signatures. Mais sinon, au complet, cet effectif, au complet, c'est Jusqu'où pouvait-elle aller? ton 5, tu l'as, Jalen Brunson, Dante, OG, Julius, Mitch ou Artie, comme tu veux. Ton banc, tu l'as, Miles McBride. Josh Hart, Hartenstein et Bogdanovic. Alors, qui va rester là-dedans? Qui va re-signer? Qui va être aidé? Je ne sais pas. Mais que quand tu C'est bon, regardes c'est bon, c'est bon. là, si tu fais une photographie, et puis je n'ai pas dit Alec Burks, si tu fais une photographie de là, de l'effectif du 5 majeur et du banc, et du 5 du banc, tu as un effectif complet, talentueux. Tu vois, c'est. Équilibré, Qu'est-ce qu'il y a? équilibré avec des profils Qu'est-ce défensifs, des que. profils offensifs, des joueurs d'expérience, des joueurs jeunes, des joueurs qui se connaissent. Effectivement, il y a beaucoup de choses déjà en place côté New York. Après, on le sait, chaque été, l'idée est d'améliorer l'effectif. La santé a manqué? Est-ce que la santé, ça s'améliore? Est-ce que c'est une meilleure gestion? Est-ce qu'il vaut mieux gagner moins de place, moins de matchs en saison régulière? Laisser filer certains matchs? Est-ce qu'il vaut mieux plutôt finir 4-5 et aller loin en playoff? Ça, malheureusement, la vérité d'une saison, c'est pas forcément la vérité de la saison suivante. En tout cas, une chose est sûre, les playoffs NBA vont se poursuivre sans les New York Knicks. Une chose est sûre également, Terminé, c'est il n'y terminé aura pour le champion aussi. pas de back-to-back. Le champion sort aussi au bout terme d'un match 7 dans la conférence Ouest, pardon. Certains nous disent que la conférence Ouest est beaucoup plus forte que la conférence Est. Je ne sais pas, on verra où sort le champion NBA cette saison. Peut-être que ça sera la conférence Est, allez savoir. En tout cas, voilà, les Knicks tombent au terme d'un match 7. C'est dommage, ils ont donné beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, on va se risquer un petit jeu. Et ça peut être un jeu de pronostic habituel. On va tout simplement livrer notre champion NBA au terme de ces playoffs. Maintenant, on sait. Ah, oh bah oui, grosse cote, grosse cote. On fera plus de pronos après, de toute façon. Donc, je te prends à dépourvu. Tu savais pas. Mais voilà. Avec les forces en présence, avec ce qu'on a pu apercevoir des playoffs, moi, j'avoue, j'ai Je me surtout remets une regardé les enquête. Knicks. Hein. J'ai pas regardé vraiment les autres séries. Hein. Maintenant, je vais retrouver un peu de sommeil et peut-être qu'on regardera un peu d'autres matchs ailleurs. Mais voilà, il nous reste qui à l'Est? Les Boston Celtics, qui sont numéro 1 de la ligue. Ils auront l'avantage du Et terrain les jusqu'au Pacers. bout, quoi qu'il arrive. Les Indiana Pacers, qui sont un peu l'équipe surprise. On ne prévoyait pas forcément qu'ils arrivent se glisser encore jusque-là. C'est une première finale de conf depuis quoi? 2014 pour eux, un truc comme ça. Ouais, Voilà. bah, oui, bah Est-ce que depuis c'est le. l'élimination des Knicks, Est-ce hein. que c'est le coup d'un soir à la Atlanta Hawks et qu'ils vous auront profité d'un parcours un petit peu fait joncher de blessés, que ce soit aux Bucks et aux Knicks, à voir, ça l'avenir leur dira. En tout cas, on verra jusqu'où ils peuvent aller sur ces playoffs. De l'autre côté, on a les Dallas Mavericks, qui l'année dernière, il faut le rappeler, n'étaient pas en playoffs. Hein, ils avaient un peu eu quelques problèmes d'ajustement Mais ils ont post ou su trade deadline. ils ont su Ils ont su se se ré ouais, se resserrer. bien se Ils ont su se réinventer. réajuster aussi. Et Jason Kidd qui parfois prête à sourire. Et Luka Doncic qui prête à chouiner beaucoup. Et Kyrie Irving, pardon, qui a du talent mais des théories un peu farfelues parfois. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça va être finalement les champions sous Jason Kidd? Kidd qui était coaché par Rick Carlisle quand il était champion. Voilà, est-ce que ça pourrait être un clin d'œil du destin? Est-ce qu'au contraire, les Minnesota Timberwolves C'est d'Anthony incroyable quand Edwards, même. de Rudy Gobert, Tipoy, le joueur le plus surcoté de la ligue, selon le sondage de Bleacher Report, là, qui sont venus à bout des Denver Nuggets, champions en titre, au terme d'un match 7 chez eux, à Denver. Est-ce que Ouais. là, ils vont aller se qualifier pour leur première Incroyable ce finale match aussi. NBA de leur histoire? Il y a des choses un peu improbables qui peuvent se passer encore. Donc, il nous reste 4 équipes. Quelle va être la finale? Quel va être le champion NBA, Seb? Puisque tu avais malheureusement raison pour le pronostic, tu vas te mouiller en J'avais premier et Pacers puis. 106, hein, mais bon. Ouais, mais bon, c'est Pacers en 7, c'est Pacers. Moi je J'avais Knicks en pense, 7. même si je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, moi je pense que quand même ça va pas être cadeau, la série Indiana-Boston. Je pense que ça va pas être cadeau. Je pense que ça peut faire un 6, un 4-2, Pour. un 4-2. Avec Ok. peut-être une victoire, encore une fois, une victoire là-bas des Pacers, une victoire à Boston. Je pense que ça peut faire un 4-2, mais bon, Boston, je les vois quand même évidemment en finale NBA. Ok. Mais dans des matchs accrochés, parce que bah, c'est du run and gun hein, chez nos amis des Pacers, et Ils prennent ça des va points jouer aussi. vite. Ils encaissent. Hein. Ouais, ils encaissent, mais ils en marquent. Et que quand tu shootes à 75%, je sais pas quelle équipe peut, tu vois. Ils ont connu un tour d'adresse comme ça aussi. Hein. Rappelle-toi le Game 4, la première mi-temps, ils nous mettent leur foudre. Enfin bref. Après, Donc, l'adresse, la défense, voilà, ça va ensemble. quand Mais ils sont en ouais. rythme, voilà. Cependant, je pense quand même que Boston va se qualifier en finale. Ok. De l'autre côté, on a quand même une équipe qui a sorti OKC, qui était une belle équipe. Donc, avec les Dallas Mavericks et leur surprenant PG Washington, quoi, qui est là et qui fait du propre. Et de l'autre côté, donc les Mavericks là, qui viennent de sortir Denver en 7 chez eux avec plusieurs matchs convaincants. Je vais quand même donner un avantage et puis je crois que ça sera leur première au Minnesota Timberwolves. Oh, Tu vois? Je ok. pense que je crois que c'est leur première. Je crois qu'ils ont Ah oui, ils sont jamais fait de finale jamais été en NBA. finale. Au mieux, c'est l'époque Kevin Garnett et ça perd Et contre ils les n'ont pas été Lakers. en finale. Non, non, non, non. Donc, ça serait un Minnesota Timberwolves à Contre Boston. Boston Celtics, ok, finale inédite. Et donc, qui serait champion à l'issue de cette finale? En 7. En 7. Pour? Pour? Dis-le. Fais pas genre j'ai pas de réseau. Dis-le. Victoire en 7 de. Minnesota. Ouah, grosse cote. Ok, très bien, très bien. Rudy Gobert, champion NBA avant d'être champion olympique. On prend. Ok. Eh ben écoute, grosse cote, on verra si. Ah, Place grosse note, l'argent. hein. Place l'argent. Place l'argent tout de suite. Mais ouais, effectivement. Fais Après, bon. all-in. Je fais comme les Knicks hier soir, Ok. je fais Très bien, on note ton pronostic, on verra quand est-ce qu'on débriefera le résultat de ce pronostic, je sais Il pas si a on en refera touchdown un jour. Dallas. Et puis là, Dallas Pacers en finale. Waouh. Et Pacers qui sont champions. Oh, vite. Bref, l'horreur. Après, perdre contre le futur champion, des fois. Bon, bref. Écoute, je vais essayer de faire court en termes de raisonnement. Oui, Boston, pour moi, est le favori de la conférence Est. Bien sûr, ils ont roulé devant tout le monde. Ils jouent un peu en mode cruise control depuis un petit moment. Ils savent quelle est leur ambition, leur projet. Si cette équipe ne va pas en finale NBA, ça serait vraiment un très gros camouflet de la part des Celtics. Et on pourrait se poser des questions sur la suite de leur projet. Les Pacers, oui, il y a moyen d'aller prendre un ou deux matchs. Ce jeu d'attaque, il n'est pas forcément évident à défendre. Mais voilà, est-ce que maintenant qu'ils vont affronter une équipe un peu plus au complet, est-ce qu'ils vont avoir moyen de lutter aussi facilement, fanfaronner aussi? On verra si Tyrese Haliburton se reprend des airs de Reggie Miller. Reggie Miller, il avait un petit peu lutté pour aller en finale NBA. À voir si cette équipe Il va avoir a jamais l'idée les Derrick armes. White, le père d'Iverton. Ouais, ça va pas être la même, clairement. Derrière, il y a le duo aussi Tatum-Brown à défendre. Ça va pas être simple pour Siakam. On a ou pas le retour de Porzingis. Ça peut changer la donne. C'est peut-être le Crois qu'il a secteur annoncé intérieur qui pour le peut Game 3 faire. son retour. Ouais, le secteur intérieur qui peut faire la différence. Parce que bon, Horford, c'est très bien, c'est plus très jeune. Luke Cornette, on l'adore. C'est un ancien Knickerbocker. Donc ça pourrait placer un Knickerbocker en finale NBA, pourquoi pas. Mais oui, effectivement, moi je vois plutôt aller un 4-2 aussi pour Boston, en se disant qu'ils vont se faire surprendre sur un match. Et que le 4-1, c'est un peu sévère, mais un 4-1 ne me déplairait pas pour autant. Mais Boston qui sort champion de l'Est. Et puis, derrière Dallas, L'autre, Minnesota. c'est gratte, ça gratte la tête. Hein. Ouais, c'est pas évident à pronostiquer. Mais Dallas-Minnesota, Dallas, j'ai toujours du mal à croire à ce duo Kyrie et Luka. Oui, ça joue bien. Oui, ils n'ont pas volé leur place. Oui, ils ont une saison régulière qui est finalement un peu surprenante. Parce qu'ils sont quoi? Ils sont que cinquième de leur conférence. Ils éliminent les Clippers. Ils éliminent OKC, qui est plutôt jeune, mais qui avait Ils peut-être ont un gros pas autant parcours, hein. d'expérience. Beau parcours. Mais quand on est Minnesota et qu'on élimine le champion, quand on est Minnesota et qu'on sweep Phoenix, même si Phoenix, ça n'a jamais vraiment Gros pris cette parcours aussi saison, des Minnesota, mine de gros rien. parcours aussi. Et puis aller gagner un match 7 à l'extérieur pour se qualifier, c'est plutôt un statement game. Donc moi, j'aurais aussi une préférence pour Minnesota. Je ne suis pas fan de Dallas non plus, clairement. Anthony Edwards, il y a quand même un côté plutôt sympa chez ce joueur. Il a l'air d'être, mine de rien, un peu des fois fanfaron, mais humble aussi. Il trash talk, mais au bon moment. Pas forcément quand tu mènes de 15-20 Quand tu points. mènes de plus 20. Attention, on a un client, on a un Rudy Gobert, bah voilà, qui a jamais été aussi près d'aller en finale NBA. Donc ça serait une belle chose pour lui. Et puis voilà, il y a une belle histoire. Cette équipe de Minnesota, elle a été très bien placée tout le long de la saison. Un peu improbable, Oui. on pensait qu'ils allaient faire mieux par rapport aux C'est l'année précédentes 2. années, C'est l'année 2 du mais projet. c'est peut-être aussi un peu leur opportunité à eux d'aller loin. Ils ont aussi une force dans la raquette qui n'est pas aussi forte côté Dallas, donc c'est ça peut-être qui peut faire la différence. On a Mike Conley qui a de l'expérience, et on sait aussi que l'expérience ça compte, même s'il n'a jamais été en finale NBA, lui non plus, mais le rendez-vous des playoffs, il les connaît. Donc moi aussi, je verrais plutôt Minnesota sortir, et je verrais un 4-2 Minnesota. Minnesota qui aura l'avantage du terrain face à Dallas dans cette série. Ça peut jouer, enfin on verra, mais le talent de Luka va-t-il faire la différence? Est-ce qu'au contraire, un effectif qui me semblerait peut-être plus deep côté Minnesota peut faire la donne? À voir, mais moi je vois Minnesota et donc la même finale que toi. Par contre, non, non, non. Pas victoire des Wolves en 7. Ça voudrait dire que Minnesota irait battre les Celtics Ouais, au TD Garden. Alors, il est oui. difficile en tant que fan new-yorkais de supporter une équipe de Boston. D'accord, hein, là-dessus, j'ai pas envie que Boston gagne. C'est pas, je supporte pas d'équipe, c'est pas mieux que Boston gagne. Mais je me dis que c'est leur année ou jamais. Si Boston n'arrive pas à gagner cette année, c'est quoi la Ce serait suite? Qu'est-ce qu'ils incroyable. peuvent faire de plus pour améliorer leur équipe, quoi? Ils ont Ah, mais trade ça Marcus Smart, explose, ils le ont fait projet explose. Jerky. Et on Qu'est-ce qu'il faut récupère faire de Tatum, c'est plus? là le projet. Faut récupérer Kevin Durant. Après, ça peut chambouler le marché de la ligue à l'issue de tout ça, mais non. Clairement, je vois l'année de Boston. Là, ils n'ont même pas le champion en titre en face pour défendre leur titre. Donc pour moi, ça serait plutôt une victoire de Boston en finale. Allez, pareil, un 4-2. Un 4-2, histoire d'avoir une vraie finale. Ça veut dire que Boston irait gagner, célébrer son titre de champion à Minnesota avec 4-2 ou 4-1. La jeunesse, l'inexpérience. Denver en a pris deux là-bas, donc Oui, c'est possible. mais bon, on ne sait pas. Non, mais voilà. Pour moi, Boston champion NBA au terme de cette saison. On Si a c'est la un même autre finale, c'est beau. scénario, ça sera surprenant. Ça sera surprenant parce que ce soit Dallas ou Minnesota, personne n'avait misé 1 euro, 1 dollar, ce que vous voulez, sur ces futurs probables champions NBA à l'issue de cette saison, au début de l'année. Par contre, Boston, on est d'accord qu'on est sur une équipe qui est en finale de conf, en finale NBA. Il y a une histoire, il y a un passif, ça fait un bon moment qu'il tourne autour de ce Larry O'Brien Trophy, le 18e, si je Et ne dis tu pas de sais que bêtises. Boston, ils devaient Si se c'est pas froncer les là, reins pendant tous t'es les foutu, playoffs. quoi. Parce que ils prennent qui au premier tour? Miami, Miami sans Ils Jimmy prennent Butler. Miami sans Butler. Derrière, ils affrontent les Cavs. C'était un peu. Enfin, voilà, qui avaient choisi un Diminué. peu leur. Ouais. C'était pas les meilleurs Cavs. En plus, il leur manquait Jarrett Allen. Et ils ont eu Donovan Mitchell. Ils ont perdu Donovan Mitchell en cours de playoffs. Et qu'est-ce Derrière, Caris donc LeVert? ils attendent, ils voient le Game 7 entre des Knicks décimés et des Pacers qui arrivent pas vraiment à faire la différence contre ces Knicks qui jouent moins bien. Et Accrocheur. donc une équipe comme des Pacers qui est la surprise parce que Milwaukee est pas là, Philadelphie est pas là. Donc tu te dis en effet il y a une voie royale pour eux jusqu'à la finale. Et de l'autre côté ils ont Denver qui pète, ils ont Denver qui saute. Mais bon, ils se retrouvent quand même toujours avec soit Dallas, soit Minnesota. C'est vrai que Boston a une. Pas une Si c'est voie, pas parce leur qu'en finale, année. ce n'est pas une voie royale, c'est jamais une voie royale, une finale NBA. Non. Bien Mais sûr. cependant, c'est vrai Mais que ils ont plus d'expérience, de métier. il y a des plaintes qui sont pas alignées, mais qui le sont presque, en fait, un petit peu comme ça. Est-ce que Jrue Holiday va prendre une deuxième bague et faire un peu la nique aux Bucks qui ont préféré Damian Lillard? Voilà, il pourrait y avoir des choses plutôt intéressantes, des joueurs qu'on va retrouver après avec Team USA aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est nos Rudy pronostics aura pour une ces bague fins de avant Donovan playoffs. Mitchell. Oh. Ça, c'est ton pronostic, hein. Après, Rudy, champion NBA, Rudy, meilleur joueur français NBA all-time. Bref, on Et verra. si la si et 4 G-Poy et un champion NBA, alors oui, c'est sûr, c'est pas 4 champions NBA et MVP des finales, c'est évident, T'as d'ailleurs, mais ceci dit. ultime pronostic, c'est qui le MVP des finales alors? Si chez toi c'est Minnesota qui est champion, c'est qui? C'est Edwards? Ouais, Anthony Edwards. Ok. Et ben moi, Tatum. Hein, parce que Tatum, si à un moment donné, c'est bien beau de vouloir jouer le Mamba Mentality, et si on n'arrive pas à gagner en Après, finale ceci NBA être dit, champion. il y a la jurisprudence André Iguodala. Donc, si tu veux, ils peuvent. Et Ouais. si c'est Minnesota, on peut te sortir un Jaden McDaniel, qui est Des excellent, bugs mais on peut te dans sortir la un matrice, Jaden y en a toujours eu, hein, mais bon. Bon, allez, McDaniel. ça va être la fin de notre émission pour nous. Vous voyez, on retrouve de l'espoir, on retrouve du sourire, on retrouve de l'envie. On est fiers de nos Oui, Knicks, on est déçus de ne bien sûr. pas pouvoir encore revoir des Magic Knicks. Mais moi, je me dis, je vais dormir un peu, ça va pas me faire de mal. Cette saison a été très bien, très intense. On va vous donner rendez-vous sur KNFTV parce que oui, c'est le dernier Avenix Week. On va Fini. basculer en quoi? En Avenix Summer. On va prendre un petit peu de temps, on va ressortir les ardoises, on va faire la rétrospective de cette saison. On aura du contenu à vous proposer sur la chaîne aussi pour se remémorer ces beaux parcours. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi la vidéo du voyage associatif qui va devoir sortir dans pas très longtemps. Donc restez à l'affût. L'association va continuer ses actions. Restez connectés à nos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas les pouces, les likes et compagnie. Si vous aimez KNFTV, parlez-en autour de vous. Des passionnés qui essayent de parler de leur passion, c'est tout simplement notre mission. Et on espère vous recompter de plus en plus nombreux à nos différents rendez-vous, que ce soit sur KNFTV, sur les podcasts, sur les plateformes audio. Parce que oui, les émissions sont aussi disponibles au format audio sur les plateformes Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez. Et puis on va vous donner rendez-vous très vite. Peut-être que ça ne sera pas lundi prochain. Voilà, on va peut-être aussi prendre le temps un peu de se remettre de nos émotions, de digérer tout ça. Mais pour Avenix Summer, les quelques épisodes où on va parler draft, on va parler Summer League, on va parler trade, on va parler quoi d'autre, free agency. On va parler été, on va parler gros sous, on va parler été. On va parler prolongation, pas prolongation, Thibodeau, Julius, tout ça. Il y a énormément Léon de Rose, sujets. Il y a en fin de contrat. Aussi, vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle du New York Knicks. On va revenir très bientôt pour vous parler de tout ça. D'ici là, portez-vous très bien. Soyez fiers de votre équipe. Un petit fuck aux haters, aux détracteurs, ça fait pas de mal. Voilà, dites-le tout simplement, ça permet de soulager. Il y en a tellement, oui. De toute façon, ça glissera sur eux et ça ne les atteindra même pas. Et vous, ça vous soulagera. Donc n'hésitez pas, c'est très bon pour le moral. Et puis voilà, profitez, ceci n'est qu'un jeu. Par, moi j'ai une ordonnance du médecin hein, là-dessus. Ouais, quelques petits doigts d'honneur à faire passer sur Twitter, tout ça, ça passe pas, mais voilà, mentalement, ça permet d'évacuer tout ça. En tout cas, on a été ravis sur cette saison de vous parler de l'actualité d'Enix. On va être de retour merci très bientôt. Merci à vous c'était tous. C'était l'épisode 91. 92 arrive, 93, et puis on verra jusqu'où on s'arrête pour cet été. On en a encore là un petit moment avant de partir en vacances. Portez-vous bien, supportez l'association, supportez l'Enix, supportez KNFTV, et on vous donne rendez-vous très très vite. Voisin du dessous, dans ton petit mobilhome, hein, doucement sur la Fiesta, il va être l'heure d'aller griller les saucisses, d'aller prendre un petit peu de rosé ou de ce que vous voulez. D'ici là, portez-vous bien, à Venix Week, et puis bah à très vite. New York forever, c'est comme ça qu'on dit. Plus let's go, mais New York forever. Allez, ciao ciao.